J'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux avant les cieux, qu'il me reconnaisse parmi les siens et parmi les saints. Parce que je vais sortir fier de mon cocon et pas vieillir comme un gros con, moche comme un gros ton. Car l'homme est un âne et le diable sont jockey. Reconverti ou perverti, je m'en branle s'ils sont choqués. Car la vie est hard comme un film, et si tu la prends trop easy, tu finis comme infirme. Parce que si les jaloux ont la langue bien pendue et la peau du ventre bien tendue, bien entendu, les regards sont lancés comme des lasers. Ils croient être les seuls au monde que le destin la sert. En vérité, on est unique dans la pauvreté, la solidarité est devenue rareté, même sur rareté. Mais rassure-toi, les bons cumulés ont toujours un œil sur toi. Et si t'assures pas, là c'est sûr pas. Je suis pas un millionnaire comme ce comte Craig. Moi je me battrai toute ma vie jusqu'à ce qu'on me crève. Car y'a pas de répit en temps de guerre. Et puis tant pis si ces fils de pute m'entendent guerre. Je compte pas rester les bras ballants, m'éprouver à tous mon talent juste en parlant. Je rappe ma jura, et quand on partagera, faut être sûr que tout le monde mangera. Car je défends mes racines, mes couleurs, bercé depuis le berceau au son du rouleur. Car nos vies c'est du street dance, pas du Mia. Toujours se préparer au pire si problème il y a. Car ici, si tu tends la main en classe, tu te fais enculer à sec ou tu te fais cesser assis. Alors je rêve de millions de dollars, parce que je voudrais m'évader comme des millions de dollars.